Et 10h en direct. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous emmenons visiter une exposition du Musée du Louvre à Paris qui met en avant des œuvres de Philippe de Champaigne, de Guido Reni, du Bernin, de Pierre de Cortone ou encore de Simon Vouet, en se posant la question de savoir comment, à Rome et à Paris, eh bien, les peintres et les sculpteurs ont interprété les consignes du Concile de Trente dans la lutte contre la religion réformée. Nous voici donc au Louvre pour une exposition qui se situe en face d'une autre exposition qui vient d'ouvrir également et qui n'est pas totalement sans rapport. La deuxième exposition qu'on ne commentera pas s'appelle Poussin et Dieu. Mais nous sommes donc à l'entrée de l'exposition qui s'intitule La fabrique des saintes images avec un sous-titre Rome-Paris 1580-1660 avec les deux commissaires, conservateur en chef, commissaire de cette exposition, Louis Franck. Bonjour Louis Franck. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef du département des arts graphiques ici au Louvre et avec Philippe Malguir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef du département des objets d'art, toujours au Louvre. Alors, une première question, pourquoi cette exposition en lien ou pas avec l'exposition sur Poussin et Dieu qui traite donc de la fin du XVIe et du XVIIe siècle à la fois à Rome et à Paris, Philippe Malguir? C'était pour répondre à une commande précise. Ça correspond à des choses qui nous intéressent l'un et l'autre, je crois, depuis longtemps. Mais là, il y avait un besoin concret. C'était la volonté de contextualiser l'exposition Poussin et Dieu, à la fois artistiquement, intellectuellement, spirituellement aussi peut-être. Donc c'est pour cela que nous avons retenu ce parti de traiter de Rome et Paris, qui sont les deux villes dans lesquelles il a travaillé. Il a été apprécié. Et la période de temps qui correspond plus ou moins à sa carrière, mais qui correspond aussi, qui est un vrai sujet pour nous, qui est une période de profonde mutation dans l'art, tant en France qu'en Italie. Oui, parce que Louis Franck, il faut bien rappeler une chose, c'est que peut-être aussi aujourd'hui, une des pertes des repères de l'art religieux, de la conception de ce qu'était la religion au XVIe et XVIIe siècle, nous empêche d'aborder de façon assez simple certaines de ces œuvres que nous découvrons dans cette exposition, comme d'ailleurs les œuvres de Poussin, puisqu'il y a une sorte de rupture de temporalité, de façon de se mettre à distance aujourd'hui, qui n'est peut-être pas celle qu'avaient les contemporains de Poussin et des peintres que l'on va voir dans cette exposition, que ce soit Guido Reni, Caravage, Champaigne ou d'autres. Oui, en effet, et sur cette question des images, puisque au XVIIe siècle encore, il y avait un thème très ancien sur lequel les pères de l'Église avaient longuement médité, qui était celui du Christ image, du Dieu image, qui est aujourd'hui un thème, me semble-t-il, quand même très largement oublié dans l'Église. On vous dit, si vous entrez dans une église, vous savez que Dieu est amour, mais on ne vous dit jamais que Dieu est image. Et donc, cette question de l'image est au centre de cette exposition, et c'est pour ça que ça s'appelle « La fabrique des saintes images », Philippe Malguir. C'est l'idée de montrer dans ce titre la difficulté, même la contradiction, qu'il y a à fabriquer quelque chose qui parle d'une réalité immatérielle, justement. Et c'est un peu les défis auxquels se sont trouvés, face les peintres après la réforme protestante. Oui, parce que, évidemment, ces dates ne sont pas totalement anodines. Louis Franck, si ces dates sont celles de 1580-1660, c'est parce que ça correspond, comme vous le disiez tout à l'heure, à la carrière plus ou moins de Poussin, mais c'est parce qu'aussi l'Église change profondément avec la réforme et l'instauration de la contre-réforme, le Concile de Trente, qui repose de façon nouvelle, pourrait-on dire, la question des images dans l'Église. Oui, qui repose la question des images à la suite du second grand épisode d'iconoclasme de l'histoire de l'Église, celui de la réforme du XVIe siècle, et qui est parallèle, en quelque sorte, au premier grand épisode d'iconoclasme, qui est celui qu'a connu le monde byzantin au VIIIe siècle. C'est-à-dire que face au développement des images, une réaction très violente est suscitée dans l'Empire byzantin, puis à la fin du Moyen-Âge dans l'Europe moderne. Et cette réaction va jusqu'à la destruction des images, jusqu'à l'iconoclasme, et entraîne une réaction de la part de l'Église. C'est le second concile de Nicée et sa définition solennelle, l'Horos de 787, du concile de 787 qui affirme la légitimité des images, la nécessité de leur vénération. Et le concile de Trente, de décembre 1563, donc de, vraiment des derniers jours de l'ultime session du concile de Trente, réitère le dispositif central de la décision du concile de Nicée. Ensuite, les modalités sont légèrement différentes, mais on a exactement le même schéma historique qui nous confirme dans cette idée que l'image est un phénomène nécessaire dans le christianisme. Vous commencez cette exposition, Philippe Malgouir, par ce que vous appelez les images non fabriquées, c'est-à-dire les premières images du Christ, celles qui sont supposées être les images que le Christ a, d'une certaine façon, données de lui-même immédiatement lors de sa vie, à savoir les Véroniques, ou encore, ici, tout près, dans une vitrine, la première reproduction du suaire dit de Turin aujourd'hui, mais qui était à Chambéry à l'époque. Nous avons souhaité reprendre cette question des images non fabriquées, des achéropoïètes, pour utiliser le mot que les byzantinistes aiment tant, pas seulement dans une perspective strictement historique, puisque cette question de l'image non fabriquée, du fait d'opposer à l'argument des iconoclastes et des protestants au deuxième commandement qui dit « tu ne fabriqueras pas d'images sculptées », etc., d'opposer l'argument « mais Dieu a commandé parfois de faire des images, comme les chérubins de l'Arche d'Alliance, et le Christ lui-même a laissé des empreintes, des images qui sont des empreintes ». Et en fait, le point que je voudrais faire dans ce premier section, c'est le fait que la garantie de la véracité, c'est le caractère de l'empreinte. C'est-à-dire pas seulement de l'impression miraculeuse de l'image qui apparaît, comme il y en a d'autres histoires dans le christianisme, Saint Dominique de Soriano ou comme ça, c'est le fait que, comme le pied laisse une empreinte dans la boue, le Christ, du fait qu'il était matériellement présent, a laissé une empreinte matérielle. Et c'est ce principe-là qui fascine les hommes du XVIIe siècle beaucoup plus que la réalité de telle ou telle relique dont les histoires sont extrêmement complexe, obscur, délibérément obscur, puisque la première sainte face, le mendilion disparaît dans des circonstances qui ne sont pas absolument claires et personne n'est d'accord sur la date d'ailleurs à laquelle il disparaît. Et la sainte face du Vatican disparaît aussi probablement dans le sac de Rome en 1527. Donc vous voyez que ce sont des objets sur lesquels on sait très peu de choses. Donc ce n'est pas ça qui intéresse le XVIIe, c'est la possibilité de cette qui parle de l'incarnation, du fait que le Christ a laissé une trace matérielle lors de son passage. Et donc, cela justifie, selon les penseurs en particulier de la Contre-Réforme et de ceux qui succèdent au Concile de Trente, cela justifie la surreprésentation, la représentation de plus en plus multipliée des images du Christ que l'on va ensuite voir tout au long de la fin du XVIe et du XVIIe siècle. C'est cela, Philippe Malgouir, ou pas? C'est une justification assez faible dans la mesure où le débat sur les images est beaucoup moins structuré, beaucoup moins dialectique que dans la crise iconoclaste où il était vraiment central. Donc on va répéter les arguments de la crise iconoclaste. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce regain d'intérêt pour ces reliques, pour le suaire, touche une autre corde qui est différente de celle du monde grec où se passait la crise iconoclaste, c'est celle de cette humanité souffrante du Christ dans lequel le fidèle peut voir la folie de l'amour de Dieu. Donc c'est une sorte de miroir dans lequel on propose aux chrétiens de se regarder, une espèce de miroir sans teint, et c'est le cas de cette sainte face de Philippe de Champagne, dont vous voyez qu'il n'y a pas de fond de tissu, donc ça n'imite pas la Véronique, mais c'est simplement cette espèce de point d'interrogation de ce visage du Christ comme Dieu, est sorti du néant un jour pour s'incarner et se mettre face à nous. Il faut peut-être la décrire, cette sainte face de Philippe de Champagne, avant de passer un peu plus loin dans l'exposition, parce qu'elle est remarquable. On a l'impression d'être effectivement dans une sorte de miroir. La dimension du tableau de Philippe de Champagne, qui correspond à la dimension d'un visage d'homme normal, l'emplacement tel que vous l'avez posé ici dans cette exposition, à hauteur d'homme, là aussi, permet de se dire que, eh bien, on a ce Christ souffrant, avec les larmes de sang qui coulent sous sa couronne d'épines, qui nous regarde, et c'est nous qui le regardons en même temps, Philippe Malgouir. Oui, ce qui est très frappant dans cette œuvre et qui montre qui est vraiment les paradigmes du fonctionnement d'une œuvre de dévotion, c'est une œuvre qui parle de la relation. C'est-à-dire que si on nous présente une image, c'est pour se représenter, c'est-à-dire pour mettre hors de nous quelque chose qu'on peut concevoir. Et donc cette image de Dieu souffrant. Et Philippe de Champaigne fait quelque chose qui est très une polysémie assez complexe, puisque c'est à la fois une sainte face, mais qui n'a pas de fond de tissu. C'est un visage comme en trompe-l'œil, avec un degré de réalité extrêmement prégnant, mais qui n'a pas de cou, qui flotte comme un songe, en fait, comme une vision. Un visage qui est impassible dans la tradition du Mondilion et de cette sainte face médiévale, mais avec cette espèce de à peine crispation douloureuse du sourcil, vous voyez, qui nous regarde, vérité, qui ne souffre pas, mais parce qu'il nous regarde avec une espèce d'acuité en disant « et toi ?» ou quelque chose comme ça. Et ces bords de paupières qui sont rougis par la douleur et par les pleurs. Et toute cette description de la violence physique qui n'est pas tellement dans l'expression du visage, mais comme à la surface du tableau, qui sont les larmes, même les crachats, vous voyez, sur la joue, ouais. L'épine qui rentre dans la peau du front, etc. Donc c'est vraiment cet objet est fait pour se représenter, pour rentrer en relation avec cette réalité lointaine et qui devrait être tellement vivante du Christ souffrant pour l'homme d'aujourd'hui, 100 ans au XVIIe siècle. Et quelle meilleure manière d'entrer dans cette exposition, La Fabrique des Saintes Images. Alors nous pénétrons, nous avançons dans cette exposition et nous allons passer sur cette deuxième partie d'exposition qui traite de Rome, où on voit beaucoup de dessins en particulier, des sanguines, de Guido Reni ou d'autres, pour nous arrêter devant le Caravage et en particulier la mort de la Vierge, donc du Caravage, qui est un très grand tableau, un tableau de grande église, donc environ quoi, 5 mètres de haut, quelque chose comme ça ? Ouais, tout à fait, je crois que c'est 3 mètres des poussières. Je voyais plus grand qu'il n'était. Donc une mort de la Vierge de Caravage qui nous dit quoi justement de ce rapport, puisque vous faites le rapport entre Rome et Paris dans cette exposition, qu'il peut y avoir entre une représentation romaine justement de la souffrance et de la douleur du Christ et de ceux qui l'ont accompagné, et de l'autre côté une représentation française purement parisienne, par exemple. Philippe Manouet. Là, il ne sera pas si facile d'opposer terme à terme Paris et Rome, dans la mesure où on n'est pas dans la même temporalité. C'est-à-dire que la question de la contre-réforme en France est plus difficile à circonscrire. En revanche, ce qu'on peut strictement appeler la contre-réforme en Italie, et a fortiori à Rome, qui en est le lieu d'expression immédiate et maximale, c'est la période qui va, disons, de la fin des années 70, 1570, jusque, disons, aux années 1620. Et ensuite, on assiste à autre chose, à une floraison artistique qu'on évoquera, qui est dans d'autres modalités. Pour reprendre le mot de saint Augustin, il dit que les hérésies sont opportunes parce qu'elles obligent à comprendre, à formuler ce qu'on croit et à le clarifier. Et à se reforger aussi dans la religion. Donc c'est ce qui s'est produit dans ces années-là, dans ces années strictement de la contre-réforme, c'est que tout le monde a pris conscience du fait qu'effectivement les images sont possibles, mais quelles images ? Voilà. Et on ne peut pas faire, on ne peut plus faire n'importe quoi, au moins pour ne pas être attaquable d'un point de vue protestant. Donc on va souhaiter que les images soient véridiques en faisant par exemple abstraction de l'imagination de l'artiste, de retirer tout ce qui pourrait être imputable à sa fantaisie, comme fantaisie que Véronèse revendique par exemple dans le repas chez Simon. Donc on va voir paraître cet art très illustratif, très sec, même un petit peu désagréable, même moche, parce que on n'est pas là pour séduire, on est là pour raconter une histoire. On va pouvoir aussi reprendre des schémas très anciens, médiévaux ou paléochrétiens, donc s'inscrire dans la longue durée et montrer que l'artiste, en tant que créateur d'aujourd'hui, s'efface derrière une tradition. On peut aussi montrer que cette image est véridique en lui donnant les attributs de la vérité, c'est-à-dire de la réalité sensible, autrement dit du réalisme ou du naturalisme, si on veut. C'est la voie qu'a choisie le Caravage, puisque en nous montrant cette mort de la Vierge, cette femme qui est dans un costume du XVIIe siècle étendue sur un lit, pleurée par des gens, c'est une chose qui est le vécu de ses contemporains. Donc ça donne une espèce d'immédiateté dramatique et de vérité absolue à cet épisode qui n'est pas de l'ordre de la fable ou de l'histoire ancienne, mais qui est quelque chose qu'on peut s'approprier. Et qui permet, selon vous, que justement les accusations que pourraient porter les réformés à cette église de l'époque puisse être atténuée. Justement, c'est un type d'art qui tente à, justement, en atténuant les excès de l'art précédent, à se dire, eh bien, on va être moins attaqué par les réformés ou les réformateurs. La question n'est pas tellement de se défendre d'attaques possibles. De toute façon, les gens ne vont pas se réconcilier autour de rien. Donc, on n'est pas dans. Il faut se rappeler que Rome à l'époque est un terrain de interdit pour la plupart des réformés, que voyageurs, en particulier venant des pays réformés et venant d'Allemagne, évitent d'aller à Rome, ou s'ils sont à Rome, évitent évidemment de dire qu'ils viennent de ces pays-là pour ne pas être soit massacrés, soit mis de côté, soit mis en prison. Non, là, ce que je voudrais évoquer, c'est plutôt un processus qui est propre, qui est interne à la fois à l'Église et à l'art italien ou à l'art romain. C'est cette prise de conscience de la responsabilité de l'artiste dans l'invention d'images, et qu'il va proposer quelque chose devant lequel on va penser ou prier peut-être, et que c'est là une responsabilité. Et cette espèce d'hypersensibilité au religieusement correct, pour dire, fait qu'il y a énormément de tableaux refusés autour de cette date de 1600. Ce tableau-là du Caravage, bien sûr, ça c'est un fait connu, mais Ludovico Caracci, il y a un dessin de lui qui évoque ce tableau qui a été refusé, Zuccaro, dont on montre aussi un dessin, Barocci, Lanfranco, Rubens, tout le monde s'est vu refuser des tableaux dans cette période-là, pour des raisons diverses. Donc il y a une hypersensibilité sur la responsabilité de l'artiste, d'une part, et d'autre part sur la responsabilité du commanditaire, qui peut être laïque comme religieux. Et cela conduit les artistes à repenser de façon différente leur place dans la société italienne de l'époque, la façon dont ils doivent justement travailler avec les commanditaires et donc se fier à une nouvelle commande qui serait un peu différente de celle qu'ils ont pu connaître auparavant. Philippe Malguer. C'est difficile d'en tirer une ligne générale. Ce qui est intéressant, c'est de voir des cas particuliers. Et c'est en fait ce qu'on a envisagé dans cette exposition, c'est de regarder un petit peu à la loupe toutes ces petites histoires, de ce qu'elles nous racontent de cette grande histoire. Ce qui est certain, c'est que les contemporains ont reconnu dans la peinture du Caravage l'expression de ce qu'ils voulaient d'un point de vue spirituel et émotif, et on le voit très bien. À partir des grands succès du Caravage en 1600, son carnet de commandes ne désemplit pas, et c'est toujours pour la peinture religieuse. Donc il y a la peinture du Caravage nous dit beaucoup de l'atmosphère dans laquelle il a vécu et de ce que souhaitaient ses contemporains. Alors avançons un peu dans cette exposition avec vous, Philippe Malguer et Louis Franck, et arrêtons-nous devant une formidable série de dessins dont certains sont signés Guido Reni. Magnifique dessin, une tête de vieille femme de profil, mais également Saint-Philippe Neri, c'est un particulier puisque il est contemporain d'Ignace de Loyola, Philippe Neri. Et de Sainte-Thérèse d'Avila. Oui, ont d'ailleurs été canonisés le même jour. Ouais. Et donc, on est dans une dévotion très particulière qui est celle, effectivement, de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Qu'est-ce que nous disent, justement, ces dessins de la position d'un artiste comme Guido Reni, donc bolognais de naissance, face à cette question des représentations religieuses à la toute fin du XVIe siècle? Alors, le rapport de Guido Reni avec Rome est complexe, puisqu'il y fait des séjours, mais il est vraiment bolognais d'attache. Il ne va pas faire la différence du dominicain ou de l'anfranco, qui vont avoir des séjours à Rome beaucoup plus longue durée. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, la figure de Philippe Neri, qui représente la réforme catholique, pas de celle de la contre-réforme, mais de ce mouvement qui a accompagné la réforme protestante, au milieu du XVIe siècle, et évidemment remis extraordinairement en valeur au XVIIe siècle, donc pour consolider, disons, ses acquis de la réforme catholique. Et c'est dans ce contexte qu'on lui commande ce tableau pour la Chiesa Nuova, qui est le siège, la maison fondée par Saint-Philippe lui-même, et pour lequel Pierre de Cortone a produit des décors, pour lequel nous présentons un dessin, d'ailleurs, dans la section suivante. On va aller le voir, le Pierre de Cortone, mais on ne peut pas ne pas s'arrêter devant un Guido Reni qui sert d'ailleurs de couverture au catalogue et aussi à l'exposition de cette fabrique des saintes images, parce qu'il nous dit aussi quelque chose de la religiosité de l'époque. Là aussi, on est face à un Christ couronné de la couronne d'épines, mais qui n'est pas exactement la sainte face que l'on a vue en ouverture de cette exposition. Il y a les yeux particuliers de ce Christ tournés vers l'extase, avec ses yeux qui montent vers le ciel et qui posent une question, ainsi qu'aux contemporains qui regardent ce tableau. Alors l'épisode illustré, c'est celui de Lecce Homo, donc quand on montre le Christ à la foule et qu'on dit « voici l'homme ». Et c'est un épisode qui a évidemment retenu beaucoup l'attention des dévots et des artistes, dans la mesure où il est paradoxal, puisque on montre le Christ mais on ne le reconnaît pas à ce moment-là. Donc c'est une représentation un peu à l'envers, qui nous interroge nous-mêmes sur le fait, comme la Sainte Face de Champagne. Par contre, la différence, c'est que dans Lecce Homo, on n'arrive pas à saisir le regard, à avoir une relation, justement. Bien sûr. Et c'est délibéré, mais Guido Reni retourne ici, comme vous l'avez remarqué, cette iconographie traditionnelle de ce regard qui nous échappe, puisque le regard du Christ est tourné vers le ciel, et c'est pas un regard dolent ou pathétique, c'est l'expression qu'on connaît bien au XVIIe siècle du ravissement, c'est-à-dire de la perception par l'âme de réalités divines qui dépassent l'entendement. Donc c'est décrit par Descartes, par toutes sortes de gens. Et c'est ce que nous montre Guido Reni, c'est que dans la passion même, le Christ a conscience d'accomplir cet acte rédempteur, ce mystère de la rédemption prévue par Dieu de toute éternité. Donc c'est pas l'image pathétique peut-être qu'on a voulu y voir, mais quelque chose qui parle d'espoir aussi, d'une certaine façon. Il y a aussi cette dimension, effectivement, du rapport de cet homme, Christ, avec le regard qu'il porte sur Dieu son Père. Exactement. Et on est toujours dans la question de montrer ce qui n'est pas montrable. Et l'artifice de la vision, l'artifice de l'extase ou du ravissement, est une manière de dire on voit quelqu'un qui voit quelque chose, mais on ne montrera pas cette chose. Alors, on va avancer à l'intérieur de cette exposition dans une petite section, là aussi totalement romaine. Alors, on a du Guerchin, on a du Pierre de Cortone. Et on a au fond un autre visage qu'il va nous falloir commenter dans un instant avec vous, Philippe Malguir, puisqu'il correspond plus ou moins à ce Christ que l'on vient de voir. Il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila de Bernin. Mais là, on est face à ces dessins, face à ce bronze en bas-relief de Pierre de Cortone. Qu'est-ce que nous disent ces dessins de Pierre de Cortone sur justement ce que nous travaillons depuis le début, cette fabrique des saintes images, dans la Rome du tout début du XVIIe siècle? Alors à ce moment-là, on est dans une toute nouvelle génération à la fois artistique et de dirigeants. Hein, le pape Urbain VIII est un jeune pape qui, pour lui, tout cela est quand même malgré tout de l'histoire du passé. Et on assiste à cette extraordinaire floraison artistique, cette explosion des images, ce débordement de formes sensuelles et savantes. Donc là, il n'est plus question de ce... Et décors. Et de décors de... Non, et décors physiques. Oui, de sensualité. Oui, oui, oui. Et du décorum aussi. Voilà. Et ces deux artistes, le Bernin, dont on va redire un mot, et Pierre de Cortone, ce sont des gens qui ont un rayonnement absolument européen. Toute l'Europe veut avoir ou des créations ou au moins des élèves qui viennent travailler dans les cours européennes. Et pourquoi justement? Qu'est-ce qu'ils disent à ces cours européennes ou à ces commanditaires de l'Europe entière que ne dit pas l'Europe pendant que Rome le dit justement, Philippe Malguir? Qu'est-ce qu'ils disent ces artistes comme Pierre de Cortone et le Bernin? Parce qu'ils ont construit un nouveau langage à la fois rhétorique, séduisant, expressif, et qui permet de s'adapter à peu près, à raconter n'importe quoi, de n'importe quelle circonstance, même la vie du prince. Ça touche pas seulement l'art religieux. Et ce nouveau langage va vraiment se diffuser dans toute l'Europe jusqu'à la fin du XVIIe. Et pour nos auditeurs qui ne voient pas ces images, vous le qualifieriez comment, ce nouveau langage? Il y a la souplesse, il y a ces corps qui prennent des postures et des positions assez improbables au bout du compte, à la fois de lascivité mais également de dureté. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau langage corporel en particulier? Dans le langage corporel, il y a en tout cas la volonté d'exprimer avec le plus d'exactitude les sentiments, les émotions, les passions, aussi pour les transmettre aux spectateurs. Et ça, c'est vraiment une chose que partagent, qu'ont en commun tous les artistes du XVIIe siècle, même hors d'Italie. C'est est-ce qu'il y a une méthode rationnelle de montrer ce qui échappe à la raison, c'est-à-dire, par exemple, les mouvements du visage. Pourquoi est-ce qu'on, quand on a peur, on a telle expression? Comment montrer la joie? Comment montrer le ravissement ou l'extase? Donc, ce sont vraiment des questions très très difficiles qui vont moins intéresser les artistes peut-être avant ou après, mais qui sont centrales au XVIIe siècle. Comment surprendre et émouvoir le spectateur et comment représenter les émotions? Alors, on a devant nous donc un marbre qui, d'après le Bernin, puisque évidemment on n'a pas malheureusement l'ensemble du retable du Bernin qui représente cette Sainte Thérèse d'Avila. Et que nous dit ce visage, là aussi, tourné vers le ciel, avec des yeux qui sont révulsés, les paupières qui recouvrent les pupilles, la bouche ouverte, le visage tendu de cette Sainte Thérèse d'Avila, nous dit quoi, justement, selon vous, Philippe Malouir, de cet art du Bernin très particulier qui va fasciner l'Europe? Alors c'est amusant le détail, vous avez raison de souligner ça, de la bouche ouverte. C'est une chose qui apparaît dans l'art, en particulier à Rome, dans les premières années du XVIIe siècle, dans le portrait aussi. Et c'est l'idée que on montre l'instant juste avant de parler, par exemple. C'est-à-dire qu'on saisit quelque chose qui dépasse, qui échappe à l'image ou à la représentation. De l'instantanéité. Voilà, de la fugacité surtout de l'instant. Et c'est exactement ce qui est en cause dans cette vision de Sainte Thérèse, qui n'a pas de durée, cette extase, elle dit elle-même qu'elle ne sait pas la décrire, qu'elle ne peut pas la décrire parce que c'est indicible. Donc comment montrer une chose comme ça? Et c'est ainsi que le Bernin a imaginé cette espèce d'oxymore visuel, de faire flotter ce bloc de marbre sur le mur d'une chapelle, qui est déjà la première chose qui nous surprend quand on voit cette composition. C'est le miracle artistique, c'est pas l'extase de la sainte. Mais c'est comme ça qu'il nous fait rentrer dans le mystère de cette chose irreprésentable, c'est en trouvant un moyen expressif qui lui appartient pour montrer l'indicible. Alors je vous propose de quitter Rome pour rejoindre la France et Paris en particulier avec votre collègue et co-commissaire de cette exposition, Louis Franck.